Are you ready? Let's go! Rail suprême. Mmh. 10h, DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Bonne soirée et bienvenue comme chaque dimanche soir, il est là, DJ Case, ouais, ouais. Prêt à nous ambiancer après deux soirs de folie. C'était où? C'était à Compiègne hein, que tu étais ce week-end. Ouais, c'est ça, on s'est bien régalé à Saint-Quentin. Voilà, mortel, c'était top. Et là, ça top, continue, c'est même reparti sur Skyrock et pour ouais, toute la France. Eh oui, pour toute la loin. Voilà, donc l'ambiance club, discothèque, chicha, tout ce que vous voulez en direct sur la bande FM. Vous n'avez plus qu'à mettre Skyrock et vous vous régalez. Et vous allez vous ambiancer. Sans payer d'entrée en discothèque ni quoi que ce soit, c'est gratuit. À l'œil de bœuf. À l'œil de bœuf. Voilà, voilà. On attaque? Allez. Coup d'envoi. C'est parti. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. وعبد القادر يا ابو علي بديق الحيل عليا يا بعدين بكي نشكي وأقول عنا شعبية الحالة قطعت بحور زمان يدور والغربة قد تالة بعدين بكي نشكي وأقول عنا شعبية الحالة بركاني العالي من اللي توحداني يغلب براني كل ديرانا فكرت بلادي وعية النادي سهر ربي مرضانا بركاني العالي من اللي توحداني يغلب براني كل ديرانا فكرت بلادي وعية النادي سهر ربي مرضانا فرح انا غني انا نطير كي الحمامة يجي يوم سلهوم بلادي قمرة شعالة انا فرح وانا غني انا نطير كي الحمامة راي سوبريم مولي دزر سو سكاي روك بس بلادي ما ننسى بلادي السهر ربي هو رمضة انا بلادي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها انا Entre Mohamed, Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dans le sang. Comme dans le sang, puis en sang. J'ajuste la crosse en dansant. Pensant au notre pays. Si avant l'âge tu vieillis, ils veulent donner des ordres. Y'a que les vendus qui obéissent. Dans les gardes on s'éternise. On frappe à balles et Dieu râle. Les résultats sont cernés. C'est que des menaces qui font bras. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Je menace pas après, je m'en irai. Vivant, libé devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoie l'histoire. On s'en fait tard, les clés qui en trans. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, on rentre en France. Pour les tiers là-bas, et ce qu'on fait à Dallas Lee. Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Husky. Cette ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Je suis là.

Et je suis en tour ouvert aux critiques, poto. Aussi vrai que j'aime mon pays et que rien le vaut. C'est la rage du système, gros. Regarde-moi, ah. tes trésors. Moi je vaux mieux que tout ça. تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب انشاء Yeah.

DJ Case tous les dimanches soirs. Il est sur Skyrock et il se balade dans la France entière, même un peu plus loin parfois. Balade, bien sûr, oui. Balade. Ce soir là, c'était Skyrock. Cette semaine, on continue les studios pour l'album qui va sortir avant l'été. On n'a pas encore de date, mais alors, on bosse. On sait déjà qu'il y a un morceau avec Gradure. C'est ça, avec Gradure. Et il y a un morceau aussi avec il y a Caris, il y a Lacrim, il y a du monde. Il y a du monde en train, voilà. Et après, moi, en fait, si tu veux, Fred, j'aime bien travailler dans l'urgence et dans notre équipe, on travaille un petit peu en dernière minute et en général. C'est tendu. Voilà, on s'en sort bien. Et voilà, du coup, entre temps, il y a des dates de soirée. Le 15 avril, je suis au Séduction, c'est à Ivry-sur-Seine. Et le samedi 16 avril, à Thionville, donc du côté de Metz. Dans l'Est. Voilà, dans la Meurthe-et-Moselle ou la Moselle, je sais pas. Écoute, je crois que c'est Meurthe-et-Moselle, mais j'ai peur de dire une connerie que les amis de Thionville nous tapent dessus. Donc, en tout cas, vous connaissez forcément. Thionville, voilà. La région, dans l'Est, Thionville, il y aura DJ Case. Thionville, TGV, 2 minutes d'arrêt. C'est parti. Et c'est le 16 avril, voilà, voilà. Et là, on est reparti sur Skyrock, nouvelle session. Allez. Elle est folle. Rise Suprême, minuit, 2h, avec Fred et DJ Case sur Skyrock. Bref, celle-là, c'est pour toi. Trop d'insolence. suprême. Minuit, 2h. Avec Fred et DJ K sur Skyrock. We'll be right back. let it be cool. Salut, c'est DJ Kaze, on se retrouve tous dimanche soir à minuit pour Rail Suprême. Sky, Sky, Mem ma wodi pe biem bua bonfia ahop pro mo yenye na buhuntia oya wotam fo ja no manimbia yam bua mu amunsi na bumpia sa upe mo anyo menyi na edi nana nyame ni awaka no nebebe mo ta uma usa swabi ponyi na tutu so my body don't lose guard kan wa ko ma doya everybody sing it, hallelujah. Hallelujah, everybody sing it, hallelujah. Hallelujah, make me sing, oh yeah. Oh yeah, I say help me sing, oh yeah. Oh yeah, Sky Rock, Rail Suprême. La bouteille est payée, j'suis à Miami. Ce soir ça va tailler. Rentre dans la piste, et ce soir t'es ma sister. Y'a de la weed, y'a du ketchup. On va se mettre bien sur un iota. J'vais claquer tout ma paye, tout mon P9. Oh oui, au pays des ténèbres. Foncez dans le bar avec Ali, j'l'emmène au pays des merdes. Des omnidas au pilon de la veille. Pose pas trop de questions, oui, suis-moi ma belle. Oui, y'a du champagne, du whisky, de la vodka. De quoi te donner la migraine au... Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Garde la paix. Gati apedi apedi. Gati apedi. De minuit pour Rail Suprême. On Skyrock. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Et maintenant, colle la petite. Mon ami, je dis, tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles. Je wonder sur toi, mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie d'un joker, Mola, il fallait rester chez toi. Faut pas nous gâter la fête, hein. Ouais, faut pas nous prendre la tête, hein. Et depuis je te vois, on dirait que tu n'as pas les dents pour la fête, hein. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller me toucher. Parce que ici c'est la fête, et tout le monde a l'obligation de vous les conditions. Avec Fred. Club et DJ K sur Skyrock. JK sur Skyrock. You know.

confusion. La la la la la, t'as fini dans son sac. Et sans Chanel Boy, sans baby. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Et sans Chanel Boy, sans baby. Sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. Et sans Chanel Boy, sans bébé. Sans Chanel Boy, sans précieux. T'as fini dans son sac. Rail Suprême, minuit, 10h, DJ Case, t'ambiance avec tous les sons du moment. Let's do my M. Yes, if you boom it, yet. And every particle M. Yes, if you do worry. Sultan Ghani. Skyrock. Sultan Ali. Platine. Minuit 2 heures dans Rail Suprême sur Skyrock. Kırmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzım masa kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bak dostlar mahvol. Sur ce petit champ de mine comme Richard, tu sais que je pisse dans le mille. T'as pris tellement de râteaux que t'es devenu jardinier. C'est le dîner de convient que t'invites à dîner. Rail suprême sur Skyrock. Loin de route, la pompe, puis j'arrive. Baguette, demi de la paire de complexion, la glace à cross. Les femmes en sapin, terme, bâtiment, les sixième étage. Montre, on enfile des perles. Je sais faire avec la petite cuillère, mais quand je marche à Yep, soudain tu décélères. Tu décélères avant de SLR. Et dans ton bled, tout le monde m'appelle du genre Happy B, Happy B.

chérie, marchand d'amour, rempli d'ennui, femme légère, top modèle, belle de jour, vit la nuit, elle aime trop ça, les gros losas, rouge à lèvres, bouche à rissa, fille facile, talon aiguille, par ici, elle aime trop ça. Qui fait tomber les cœurs et qui les rend toutes gueudins. Tu fais la Shakira sur les réseaux sociaux alors que t'es pas potable. Pas de limite ce soir, laisse ton mec au vestiaire et kiffe comme un moda. Comme un moda. DJ au platine. Minuit 2h dans Rail Suprême sur Skyrock. Fais belle et quoi y'a la douane. Si t'as trop forcé sur le ballon time, fais belle et quoi y'a la douane. Je vais cramer à cause de son portable. Je suis ce petit salaud qui fait tomber les cœurs et qui les rend toutes gueudins. Tu fais la Shakira sur les réseaux sociaux alors que t'es pas potable. Pas de limite ce soir, laisse ton mec au vestiaire et kiffe comme un méda. Rise Supreme, merci Kaze. Hey, merci à vous. Merci, on rappelle que prochainement il y a ton album qui sort. C'est ça, prochainement avant l'été. Et entre temps, voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos sur oui. Facebook, sur Insta, Twitter surtout. C'est DJ Kaze, DJ espace KAYZ. Vous pouvez trouver facilement, il y a toutes les infos. S'il y a des musiques que vous avez écoutées et que vous ne comprenez pas, ou vous avez essayé de chazamer, vous n'avez pas réussi, n'hésitez pas à poser les questions, on est là aussi. Et merci à tous ceux qui étaient là ce soir avec le hashtag Rise Supreme. Et voilà, merci aux fidèles de Rise Supreme et ceux qui nous suivent. Merci, ouais, merci à vous tous. Merci. Prochain rendez-vous avec Kaze dans une semaine. Eh ouais. D'ici là, tu seras à Thionville, à Ivry, dans le 9-4 aussi. C'est ça. À pas louper. Eh ouais. Et bah, passe de bonnes soirées et on se retrouve dans une semaine. Allez. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Le son, c'est parti.